semaine, j'ai pas volé. Le droit m'appelle, sourire malgré. Telles étaient mes chaînes, mais j'ai nagé. J'ai suivi les sirènes, mais j'ai nagé. Oh, leur chant m'appelle. Épaves sereines sur les rochers. Reste de vie blême, j'en ai assez. Du calme des fontaines, le m'adresser. Ma route devant qui mène, j'irai nager. Au large des falaises, j'ai pas rêvé, non. Les sirènes m'appellent. Étoile au fond du ciel, je vais casser. Départ en la haine, je voulais donner juste le meilleur de moi-même. Je reviendrai, vous chantez les sirènes. Je reviendrai, oh, pour enfin dire je t'aime.